France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur France Musique au studio 105 de Radio France. C'est un personnage dont on va beaucoup entendre parler à la fin de l'année. Mary Poppins, figurez-vous, sera à l'affiche au cinéma dans une suite du film de 1964. C'est un homme dont on fêtait, il y a une semaine exactement, le 119e anniversaire. Il s'appelait Duke Ellington. Les occasions étaient trop belles de marier les deux. Alors, en 1964, figurez-vous que sans même voir le film, Mary Poppins, le compositeur, pianiste, chef d'orchestre Duke Ellington avait accepté, à la demande du studio Disney, d'enregistrer sa propre version de la partition composée par les frères Robert et Richard Sherman. 3 jours d'enregistrement au studio Universal à Chicago, moins de 15 jours après la sortie du film, et il a porté son propre regard sur cette partition avec la complicité de l'arrangeur Billy Strayhorn. Duke était au piano, 3 trompettes, 3 trombones, 5 musiciens au vent, 1 au basse, 1 à la batterie, une rareté, une élégance, des cuivres qui rient ou qui évoquaient les oiseaux. Au début de l'année, Laurent Mignard, grand spécialiste de Duke Ellington avec son Duke Orchestra, créé il y a 15 ans, a décidé de monter sur scène cette version jazz de Mary Poppins. Autour de lui, la même formation, des trompettes, des trombones, des vents, des saxophones, une contrebasse, un batteur, 15 musiciens et une chanteuse, car ce spectacle intitulé Jazzy Poppins n'est pas seulement orchestral, comme était l'album de Duke Ellington, il reprend aussi les paroles françaises des chansons interprétées par la comédienne Sophie Kaufmann. Ils sont présents ce matin en direct au studio 105 de Radio France pour un nouveau cabaret 42e rue qui va plus que jamais swinguer avec énormément d'élégance. Première incursion dans le Mary Poppins de Duke Ellington avec la chanson de Berthe, l'amie de Mary Poppins en tenue de ramoneur, qui raconte son métier d'abord aux enfants, Jen et Michael, puis à la nounou. Une chanson intitulée en anglais « Chim Chim Cherry », devenue en français « Chum Cheminée », les 15 jazzmen du Duke Orchestra de Laurent Mignard et Sophie Kaufmann. Pour ta chance telle qu'elle est bien, chum chuminé, chum chuminé, chum chum charo. Dans vos mains la chance met un bon numéro. Dans vos mains la chance met un bon numéro. la chance telle qu'elle vient. Tchum tchum iné, tchum tchum iné, tchum tchum tchero. Dans vos mains la chance met un bon numéro. Sophie Kaufmann et les 15 musiciens du Duke Orchestra, de Laurent Mignard en direct ce matin sur la 42e rue de France Musique. Une reprise donc de Chum Chum Cherry, composée en 1964 par Richard et Robert Sherman pour le film Mary Poppins. Alors Jazzy Poppins, c'est le titre de ce spectacle qu'a créé Laurent Mignard. Un spectacle musical et chanté qui raconte en fait à sa manière le film de Mary Poppins, en reprenant, vous l'avez compris, toutes les chansons du film produit par Disney. On va retourner tout de suite au début de cette histoire. On va découvrir, vous la connaissez bien, la famille de Monsieur Banks, un homme qui travaille dans une banque comme son nom l'indique, avec sa femme qui reste à la maison et leurs deux enfants qui épuisent chaque nounou embauché. Voici la vie parfaite de cet homme, Monsieur Banks, racontée par celle qui incarne sa fille dans Jazzy Poppins, Sophie Kaufmann, accompagnée par les 16 musiciens du Duke Orchestra de Laurent Mignard. Mon père était un homme très, très sérieux. Monsieur George Banks. Il ne vivait que pour sa banque. Et sa vie était réglée comme du papier à musique. Tous les jours, à 18h précises, il rentrait très fier et content de sa journée de travail. Très satisfait de sa vie bien rangée et bien ordonnée. Foyer et femmes. Je vis et mène une vie aisée. À l'heure dite. À 6h01, je passe ma porte. Ma pipe est prête ainsi que mes pantoufles à 6h02. Je vis et mène une vie aisée. Thank you. Laurent Mignard et le Duke Orchestra en direct au studio 105 de Radio France et cette chanson The Life I Lead. Bonjour Laurent Mignard. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci d'être venu avec votre Big Band, je peux appeler ça un Big Band. Non. Ellington n'aimait pas qu'on parle de Big Band, il préférait, et moi aussi, qu'on parle de grand orchestre de jazz, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il avait contre le mot Big Band ? Je sais pas, il n'aimait pas ça, moi non plus. Non, c'est très stylistique. L'intérêt d'un grand orchestre, celui-là, on le verra peut-être tout à l'heure, c'est que ça permet des textures qui vont un peu au-delà de l'idiome du jazz et du swing, et on peut vraiment travailler l'orchestration et la musicalité. Ce n'est pas que du jazz en grand orchestre de façon presque un petit peu militaire où tout le monde doit swinguer en même temps, il y a beaucoup plus de possibilités orchestrales quand on parle d'orchestre. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter chacun des musiciens qui est là ce matin? Ils sont, alors il y a trois rangées de pupitres, si je comprends bien, les trompettes sont tout au fond parce qu'ils font plus de bruit. Évidemment, alors la première section c'est les saxophones, on a un saxophone baryton, Philippe Chagne, qui est là. Il y a deux saxophones ténors, Olivier de Faïs et Fred Couder. Sachant qu'ils doublent également à la flûte et à la clarinette. Et il y a deux saxophones alto qui sont Didier Desbois et Aurélie Tropé. Aurélie Tropé étant également la clarinette solo de l'orchestre. Mais vous savez, au-delà de ça, derrière ces noms, en fait, se cachent des engagements stylistiques. Didier Desbois s'est résolument engagé à continuer l'œuvre sonore de Johnny Hodges dans l'orchestre. Et donc, il est dans cette perpétuation d'une certaine façon de penser le son, comme chez Duke. Philippe Chagne, lui, il pense à Harry Carney chaque fois qu'il prend son saxophone. Qui faisait partie de l'orchestre. Évidemment, d'Ellington. Et puis Jim Hamilton, maintenant, il est sans doute réincarné par Aurélie Tropé à la clarinette. Vous voyez. Donc, en fait, chaque musicien de Duke, en fait, se réincarne. C'est un peu l'idée. Donc, et dans les trombones, c'est un petit peu pareil. On a Lucas Spiller qui est là, on a voilà Nicolas Grimont-Pré et Jerry Edwards qui sont au trombone. Et pour les trompettes, mais cet orchestre est incroyable, c'est tous vraiment des merveilleux musiciens qui viennent apporter leur écho en fait à cette musique de d'Ellington. Et chacun vient avec toutes ses qualités. Moi, le premier trompette dans l'orchestre, c'est Claude Egea. Beaucoup de gens le connaissent, mais une ovation pour Monsieur Claude Egea qui se lève. Hein. Et on a l'un des plus merveilleux trompettistes qui font le ya-ya, le wah-wah, le gros à la trompette avec la sourdine en caoutchouc, c'est Jérôme Etcheverry. Il est là, Jérôme. Voilà, et puis on a d'autres musiciens merveilleux comme Gilles Relisieux ou Richard Blanchet également à la trompette. Et la section rythmique, bien il y a un formidable, un des plus formidables bassistes qu'on puisse trouver à Paris, c'est Bruno Rousselet. Bruno Rousselet, il est là. Et aujourd'hui, on saluera la performance d'un merveilleux batteur qu'on adore depuis très très longtemps. Et à chaque fois qu'on peut l'accueillir, on le fait parce que en fait, il remplace notre batteuse titulaire qui n'est pas là aujourd'hui et qui est Julie Sory. Mais là, vous allez entendre Monsieur François Laudet. Et enfin, il y a un personnage schizophrénique dans l'orchestre, quelqu'un qui doit à la fois penser à Duke quand il est au piano et penser à lui-même parce que on est quand même ici et maintenant. Et qui a dirigé aussi le Duke Ellington Orchestra. Il a dirigé des moments avec le Duke Ellington Orchestra, en effet, après la mort de Duke. Après la mort de Duke, quand même. Il a travaillé avec le Count Basie Orchestra. C'est vraiment un musicien absolument incroyable. Il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient tenir le rôle de Duke au piano et en même temps être dans l'ici et maintenant. C'est Philippe Milanta. Il est là, Philippe Milanta. Qu'est-ce qui fait le son de Duke Ellington, Laurent Mignard ? Qu'est-ce qui fait le son de Duke Ellington ? On va écouter tout, dans un instant, juste pour comparer un début d'extrait de Mary Poppins, le film. Ça va être la chanson de Jolly Holiday. D'ailleurs, on va peut-être tout de suite l'écouter et on revient juste après pour entendre comment Duke Ellington l'a réarrangé à sa façon. I did a glorious die, right as a morning in May. I feel like I could fly. A bird? None of your larking about. Have you ever seen the grass so green or a bluer sky? Oh, it's a jolly holiday with Mary. Mary makes your heart so light. You haven't changed a bit, have you? When the day is gray and ordinary, Mary makes the sun shine bright. Oh, honestly. Oh, happiness is blooming all around her. The daffodils are smiling at the dove. When Mary holds your hand, you feel so grand. Your heart starts beating like a big brass band. You are lightheaded. It's a jolly holiday with Mary. No wonder that it's Mary that we love. It's a jolly holiday with Mary. Mary makes your heart so light. When the day is gray and ordinary, Mary makes the sunshine bright. Oh, happiness is blooming all around her. The daffodils are smiling at the dove. When Mary holds your hand, you feel so grand. Your heart starts beating like a big brass band. It's a jolly holiday with Mary. No wonder that it's Mary that we love. Vous avez reconnu les voix de Julianne Jules, de Dick Van Dyke, de quelques pingouins dans cette séquence de Mary Poppins en 1964, pardon ? Et il y avait même un cochon. Il y avait même un cochon, c'est bien ça. Pourquoi vous leviez les yeux au ciel vous écoutiez ça, Laurent Mignard ? Écoutez, moi j'adore. Franchement, je suis fan. Mmh. J'adore, ça me fait marrer. Et je trouve que ceux qui ont le plus de talent dans ce genre d'exercice, ce sont les compositeurs. C'est incroyable. Et ce qu'on entend là, vous me posez la question, mais c'est quoi la différence entre la façon dont Doug l'appréhende et la façon dont on va entendre cette musique-là. Pour moi, je trouve que les compositeurs sont des génies, les frères Sherman. Les orchestrateurs également. Et après, on a plein de gens qui sont au service de cette œuvre-là et qui vont le jouer le plus proprement possible. Et en fait, ce qui se passe, pardon de le dire comme ça, mais ça ne swing pas un caramel. C'est ça le problème. Ah oui ? Ça ne swing pas. C'est raide. C'est raide, c'est en place, tout le monde est en chante. C'est carré. La chanson, mais il n'y a rien qui swing. Il n'y a rien. Okay. Mais par contre, il y a toutes les couleurs, il y a tout. Hein. C'est formidable, mais ça ne swing pas. Et pourquoi ça ne swing pas ? Parce que, vous me demandiez, mais c'est quoi la relation que Doug va avoir avec ça ? C'est que Doug, en fait, il va isoler avec Billy Strayhorn le squelette de la chanson, c'est-à-dire la mélodie et la base des accords. Et à partir de là, il va donner ce squelette à ses musiciens en disant « Les gars, faites ce qui vous semble le mieux pour donner le corps du son de ça. » En fait, on pense son d'abord. On pense d'abord sonorité quand on joue du jazz. Et une fois que chacun s'accorde sur un son, apporte son son individuel, très caractéristique, très contrasté, le combine avec celui des autres, et va chercher une pulsation commune pour faire danser les gens, tout d'un coup, il y a une magie qui s'opère, mais qui n'est pas dans l'écriture, qui n'est pas même le travail du chef d'orchestre. C'est l'appropriation de chacun par le jazz. Et alors, ça, c'est très original. Alors, on va entendre la version de Duke Ellington de cette chanson de Jolie Holiday. Juste, vous pouvez donner des clés pour justement appréhender ce que vous venez de nous dire dans ce morceau en particulier ? Ici, la mélodie, Billy Strayhorn et Ellington ont isolé la mélodie et l'ont fait jouer par l'orchestre avec un jeu de sections. Et nous, dans le spectacle, on a repris cet arrangement de Billy Strayhorn et d'Ellington en ajoutant le chant qui va être porté par Sophie. Et à qui je vais donner la réplique, parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est la première fois que je chante avec l'orchestre. Oui, au début, ça. Ils sont bien foutus de moi, et finalement, ils sont sympas, ils acceptent quand même. Donc voilà, je pousse la chanson, mais pour donner la réplique à Sophie. Et on joue cette scène de la promenade de Berthe et Marie dans la campagne. Voilà, et on raconte un petit peu les paroles originales, bien sûr. Jazzy Poppins, c'est donc un nouveau spectacle créé par Laurent Mignard avec son Duke Orchestra, avec la jolie voix de Sophie Kaufmann, qui incarne, on l'a compris en fait, la fille de Mr. Banks, qui a bien grandi. Voici donc ce moment où Mary Poppins a gagné un trophée après avoir remporté une course hippique à bord d'un cheval de manège et se met à chanter dans une campagne riante. 1, 2, 3, 4. Quelle jolie promenade avec Marie. Deuxième rue, Laurent Vallière, France Musique. En direct du studio 105, et on a reconnu, si je ne me trompe pas, Laurent Mignard, un solo dans ce morceau de Jérôme Etcheberry. C'était bien ça, qui était venu, on peut l'applaudir, à la trompette, qui était venu en décembre dernier dans une autre formation, le Spirit of Chicago Orchestra, on s'en rappelle encore, dans 42e rue, c'était pour jouer Singing in the Rain. Voilà, ce matin, c'est Jazzy Poppins, Mary Poppins, arrangée par Duke Ellington et son compère Billy Strayhorn, grand arrangeur aussi avec Duke Ellington. C'était en 1964, un spectacle qui a débuté en France en janvier dernier et qui va tourner à travers la France. Voici un autre extrait. Alors, vous le savez qu'une des premières actions de Mary Poppins, une fois arrivée dans cette maison de bonne famille, c'est d'encourager les enfants, par exemple, à mieux ranger leur chambre. Et évidemment, c'est encore plus drôle et plus simple lorsqu'en un seul claquement de doigts, une chemise se soulève et atterrit sur la main de la nounou, complètement repassée, ou alors quand, dans un claquement de doigts, un lit se refait tout seul. Et cela, le temps d'une seule chanson. Alors en anglais, ça s'intitulait « A Spoonful of Sugar » et en français, Sophie Kaufman interprète « Un petit morceau de sucre ». Il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte. Une chose qu'on aime, et chaque tâche peut devenir, selon l'humeur, un plaisir. Tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire. C'est un petit morceau de sucre avec un très beau solo de Didier Desbois au saxophone alto et puis la voix de, voilà qu'on peut applaudir, et la voix de Sophie Kaufmann. Laurent Mignard, comment il est né ce spectacle? Vous qui êtes spécialisé, je l'ai dit, vous avez créé en 2003 ce Duke Orchestra, vous qui adorez Duke Ellington, vous avez enregistré ses musiques sacrées, vous avez enregistré un album autour du Duke Ellington et la France, mais pourquoi s'attaquer à ce morceau qui est rarement joué? Il me semble, l'album existe, mais il est rarement l'album joué. L'album existe, il n'est pas très très connu en fait, même si c'est une merveille. Et depuis longtemps, en fait, je cherche toujours avec les musiciens du Duke Orchestra à élargir le public finalement, parce que le public de jazz, on sent bien tous ensemble, mais on sait très bien qu'il faut faire vraiment un travail de conquête de nouveaux publics. Et depuis longtemps, je cherchais une façon d'aborder le jeune public. Et je me suis souvenu que Linton avait fait ce travail sur Mary Poppins, et j'ai cherché la façon de l'adapter sur scène. Et donc se sont posées immédiatement plein de questions sur la narration. Est-ce qu'on peut prétendre faire revenir Mary Poppins sur scène, sachant que on n'est pas à Broadway et qu'on n'a pas les moyens d'une comédie musicale en faisant s'élever Mary Poppins dans les airs et faire des effets spéciaux exact. Complètement incroyables. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et on a cherché une solution de narration qui fasse que Mary Poppins soit présente, même si elle ne figure pas sur scène. Et ce qu'on a fait, et le personnage principal devient non pas Mary Poppins, mais Jeanne, la petite fille qui a eu Mary Poppins comme nounou et qui se souvient de tous les moments qu'elle a vécu auprès de Marie. Et donc, on retrouve le conte Mary Poppins, mais par les yeux de Jeanne. Mais il se trouve qu'en plus, elle va rencontrer un chef d'orchestre dont je joue le rôle, et un orchestre. Et elle va commencer à exprimer finalement sa frustration de ne pas être aussi magique que Jeanne, que Marie. Et donc, elle va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas la seule à avoir eu une gouvernante absolument incroyable. Alors, si je comprends bien, Sophie Kaufmann, bonjour. Bonjour. Donc, vous n'incarnez pas Mary Poppins. Ah, il y a certes un parapluie sur la pochette du disque, mais ce n'est pas Mary Poppins. Effectivement, je suis donc Jeanne, la petite fille qui a bien grandi, effectivement, comme vous le disiez. Et mon rêve, c'est déjà de vivre à la hauteur, en fait, de tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant avec Marie et de garder toute cette magie qu'elle m'a léguée et peut-être d'en faire profiter les enfants que moi-même je garde, puisque étant devenue adulte, je suis moi-même nounou. Est-ce que Mary Poppins, c'est un film que vous connaissez oui. par cœur ? Oui, c'est vraiment un film que j'adorais étant petite. Donc, quand Laurent m'a proposé de faire Jazzy Poppins, j'étais emballée, évidemment. Mais qu'est-ce que vous redécouvrez avec ces nouvelles orchestrations, du coup ? Alors déjà, la première fois que j'ai écouté donc, le CD de Duke Ellington, j'étais... Voilà, on retrouve absolument, et ça c'est vrai pour tout le monde, on retrouve toutes les mélodies, mais... Comme le disait Laurent, l'idée aussi, c'est de faire redécouvrir, de faire toucher du doigt le jazz, un concert de jazz avec un orchestre entier. Et c'est vraiment voilà, une nouvelle façon d'entendre les chansons, qui est vraiment intéressante, je trouve, surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à un concert de jazz. Alors, voilà. ce qui est très curieux, Laurent Mignard et Sophie Kaufmann, c'est que l'album de Duke Ellington était sans chant, sans parole. Oui. Du coup... Comment vous avez fait ? Quelles indications avez-vous donné à Sophie Kaufmann ? Vous vouliez qu'elle sonne un peu... Comment vous l'avez-vous choisi d'ailleurs ? Vous vouliez un timbre à la Mary Poppins ? Vous vouliez... Comment faire rentrer cette voix-là dans les orchestrations de Duke Ellington ? Moi, je voulais une voix... D'abord, c'est une comédienne que j'ai recrutée, quelqu'un qui va pouvoir porter une narration et créer un contact avec le jeune public et les parents. C'est un spectacle familial, donc il faut qu'il y ait un personnage extrêmement rayonnant et que tout se passe dans le regard. Et ensuite, au niveau du chant, moi, je voulais un chant qui soit... Je voulais pas une chanteuse de jazz, ni une chanteuse vraiment identifiée comédie musicale, mais tant qu'à faire, plutôt aller du côté de la comédie musicale, ce qui est le rayon de Sophie, et une voix un petit peu perchée, comme, vous voyez, une voix qui va rappeler un petit peu les chanteuses des années 40 de l'ancienne époque. Moi, c'est ce grain-là, un petit peu de fragilité dans l'aigu que je voulais trouver. Oui. Alors, vous parliez de volonté pédagogique dans votre travail, Laurent Mignard. Voici un moment où Berthe, le ramoneur, emmène Mary Poppins et les deux enfants chez des amis qui passent leur temps à rire en apesanteur. Et alors, on se rappelle du film, plus on rit, plus on se retrouve collé au plafond. Et alors, on va entendre littéralement, et vous l'expliquez dans le spectacle, rire les instruments. Oui, on va même apprendre à rire aux gens dans la salle. Vous savez, par exemple, qu'on peut rire avec... alors, les enfants, on leur dit, on peut discipliner le rire. On ne rit pas n'importe comment. Rire, c'est très sérieux. Et on peut rire avec les lettres de l'alphabet, par exemple la lettre A. Un impact. Ha ! Tous ensemble. Ha ! Deux. Ha ha ! Trois. Ha ha ha ! Mais alors, on peut faire avec toutes les voyelles. Le A, le E. Le I. Souris. C'est le rire des petites souris. Il y a le O. Le, alors, il y en a un, je ne vous recommande pas trop. Le Y, le Y, c'est pas terrible. Il ne fonctionne pas bien. C'est, si vous avez essayé chez vous, moi, j'ai essayé le Y. Bah alors, ce qui est bien, c'est... ce qui est bien, c'est que c'est quand on a un orchestre qui rigole. Nous, on a un orchestre qui rigole. Et on a des instruments qui sont capables de rigoler. Et ça, c'est la magie de la partition d'Ellington. Voici donc l'orchestre qui rigole. Un bon derrière. C'est bon de rire. Une chanson de Mary Poppins, revue et corrigée par Duke Ellington en 1964, interprétée en direct ce matin au studio 105 de Radio France sur la 42e rue par le Duke Orchestra. Quant à la chanson la plus célèbre de Mary Poppins, eh bien, je crois qu'il n'est pas besoin de faire les présentations, ou plus exactement, voici Mary interviewée par un journaliste alors qu'elle vient de remporter une fameuse course hippique. Et oui, on n'a plus de mots évidemment, mais en fait, si, il y a un mot qui convient. Supercalifragilisticexpialidocious. Oui. Supercali quoi ? Oh là là. Supercali quoi ? Supercalifragilisticexpialidocious. C'est un mot qui résume tous les autres mots. Mais dites-moi, c'est pas très très français ça. Mais c'est très magique. Ah bon ? D'accord. Bon, répétez après moi. Oui. Super. Super. Cali. Cali. Fragilistique. Allez, Stix. Frustix. Fragilistique. Fragilistique. Oui. Expiali. Expiali. Docheus. Docheus. Ensemble, supercali, fragilistique, expiali, docheus. Supercali, fragilistique, expiali, docheus. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement à droite. Mais faut le dire et vous serez à la page plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Parce que j'avais en étant petite pas envie de parler. Papa en rage me tordit le nez et se mit à me blâmer. Quand un jour inspiré j'ai pu faire la belle invention. Très long mot recommandé pour la prononciation. Hey! Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Super Mario Fragilistique Expialidoche. Ham di bidi bidi bidi dam di bie. Ham di bidi bidi bidi dam di bie. Ham di bidi bidi bidi dam di bie. Ham di bidi bidi bidi dam di bie. Allez, tous ensemble. Allez l'orchestre, tous ensemble. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Dans son album, Duke Ellington donnait la parole en tant que soliste dans ce morceau supercalifragilisticexpialidocheuse à son saxophone ténor Paul Gonzalves. Et ici, eh bien, reconstitué par Laurent Mignard, c'est Fred Coudert qui était en solo au saxophone ténor. Il y a un autre très très beau solo dans l'album Duke Ellington. Il était signé par Harry Cornet au saxophone baryton. C'est une berceuse intitulée Stay Awake, une berceuse que chante Mary Poppins aux enfants pour les faire journer, pour les faire dormir après une journée bien remplie. Et ce matin, en direct au studio 105 sur France Musique, c'est Philippe Chagne qui aura droit à son solo. Laurent Mignard, c'est à vous. Thank you. Philippe Chagne au saxophone baryton et tout l'orchestre, le Duke Orchestra de Laurent Mignard qui reprenait ce titre de Mary Poppins, Stay Awake. Alors on l'a compris, Duke Ellington et son arrangeur Billy Strayhorn savaient colorer avec les instruments de musique les morceaux. En voici un autre exemple, une autre ballade lente, douce, et cette fois vous allez presque entendre les petits oiseaux lorsqu'il s'agit de retranscrire ce moment. Une chanson intitulée « Feed the Birds ». Vous savez, les enfants sont venus rendre visite à leur père, à son travail, près de la cathédrale Saint-Paul. Et vous allez entendre, je reprends les mots de Laurent Mignard dans le spectacle, que la clarinette dans l'aigu va signifier les oiseaux, le trombone, la vieille dame assise sur les marches, les cuivres, les nappes de cuivre, l'église, et la cymbale, tout à la fin, ça sera l'envol des oiseaux. Le jour s'est levé sur les marches de Saint-Paul. Au milieu d'oiseaux, une vieille femme. Elle vient s'asseoir tout simplement, tout en appelant les gens. Mes petits vous réclament. Pensez aux petits oiseaux, soyez gentils. Ça vous fera des rêves plus doux, car leurs petits ont faim et vident leur nid. Ce n'est rien. Rien, deux pièces pour vous. Pour nourrir les petits oiseaux. Deux pièces le sac. À ce mot au-dessus d'elle, tous les oiseaux emplissent le ciel. Et voilà, les oiseaux se sont envolés d'un coup de cymbale du batteur François Laudet. On va terminer cette émission par un dernier exercice comparé. Rappelez-vous ce morceau dans Mary Poppins. Step in time, come on, mighty, step in time. Alors c'était la danse des ramoneurs sur les toits autour de Mary Poppins. Dans son album, Duke Ellington faisait sonner ce morceau ainsi. Laurent Mignard, qu'en avez-vous fait dans Jazzy Poppins? Mais nous, on avait un problème. On voulait un final pour le spectacle. La version de Duke était assez lente et ne donnait pas de finale. Celle des frères Sherman n'était pas jazz et pas ellingtonienne. Donc, on a fait un mix des deux. Et c'est un nouvel arrangement avec quand même intégré dans le morceau un titre d'Ellington qui s'appelle Brasiliance d'un autre album. Et c'est comme si Ellington l'avait écrit. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. La danse sur le toit avec les Ramoneurs. Step in time, en français, c'est devenu garder le rythme. Prenez le rythme, allez les gars, prenez le rythme. Prenez le rythme. Prenez le rythme, prenez le rythme, allez les gars, gardez le rythme. Et je vais sans rythme, sans rythme, une raison. Allez les gars, gardez le rythme. Les saxophones, gardez le rythme. Les saxophones, gardez le rythme. Et je vais sans rythme, sans rythme, une raison. Les saxophones, gardez le rythme. Gardez le rythme. Les trompettes. Les trompettes, gardez le rythme. Les trompettes, gardez le rythme. Et je vais sans rythme, une raison. Les trompettes, gardez le rythme. Thank you. Sophie Kaufmann, Olivier De Faïs au saxophone ténor et Philippe Milanta au piano pour quelques solos dans ce Garder le rythme qui clôt ce cabaret 42e rue avec Jazzy Poppins que vous pourrez découvrir en novembre par exemple à Antony, en décembre au théâtre Allegria au Blessis Robinson et puis en mars 2019, je sais c'est loin mais vous pouvez prendre déjà date à hier et à Paris à l'espace Paris Plaine. Quant au Duke Orchestra, il sera tout simplement le 12 mai prochain à Münster avec un programme autour de Duke Ellington. Merci Laurent Mignard. Le cabaret 42e rue, comme toujours, a été filmé par les équipes vidéo de France Musique. Vous pourrez le voir très bientôt sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Quant au prochain cabaret 42e rue, il aura lieu le dimanche 3 juin et nous serons en direct du salon Musicora. 42e rue, c'était toute une équipe. Autour de moi ce matin, Delphine Baudet, Camille Garin, Camille Lhermitte, Alison Ascrisi, Laurent Binder, Guillaume Debled, Olivier Lepontois, Jean-Benoît Tétu, Philippe Thibault, Bastien Varigo, Max Dozolm, Martine Monnier et à la réalisation, Fabien Flora. Très bon dimanche avec nous sur France Musique. Restez avec nous dans un instant, vous retrouverez Jean-Baptiste Urbain et sa chambre classique. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.